et yo mille, t'as pas le droit. Oh. Asphalte, asphalte. JLJ, c'est pour toi. Toi, on est plein dans ce cas. Un parmi les milliers. C'est pour toi, toi, t'es pas seul dans ce cas. Un parmi les milliers. C'est pour toi, toi, on est plein dans ce cas. Un parmi les milliers. C'est pour toi, toi, tu sais que t'es pas seul dans ce cas. Un parmi les milliers. T'es levé de bonne heure pour aller au taf. Tu serais bien resté faire une matinée grasse. Squatte l'arrêt du bus en attendant qu'il passe. Mais ça traîne et tu te lasses. Et finalement tu te casses. Et il pleut. Et finalement il passe. Et entre deux arrêts, c'est là que t'accélères et traces. C'est trop tard, est-ce connard de chauffard. Démarre sous ton nez, tu râles, puis tu glisses, puis tu te ramasses. En plus, y'avait plus de café, plus de tasse. Plus de papier, cul, c'est la merde, tu te demandes ce qui se passe. Quand ta connasse te bosse, t'annonce que t'as perdu ta place. Oh shit. On s'en bat les couilles, monte le son dans ton casque. T'as des bêtes de doute, des dettes, des soucis de sous. Et t'as des envies de coups de tête à la zizou. T'inquiète mec, t'es un parmi des millions. Je l'ai bête, t'es un parmi des millions. C'est pour toi, toi, on est plein dans ce cas. Un parmi des millions. C'est pour toi, toi, t'es pas seul dans ce cas. Un parmi des millions. C'est pour toi, toi, on est plein dans ce cas. Un parmi des millions. C'est pour toi, toi, tu sais que t'es pas seul dans ce cas. Un parmi des millions. Relax, ya. Tu squattes devant dans les concerts. Rap depuis longtemps, mais ça ne t'empêche pas de lever ton bras pour tes confrères. C'est foiré, lance son texte, mais tu siffles pas. Bien au contraire, tu big up le pull-up du DJ. Fuck a freeze. J'ai vu rester figé. Fuck a freeze. Arrêtez de respirer. Dans des concerts de malade comme Marie l'Elysée. Mon mart, mon gars, mon rap, c'est pour toi. Yeah. Soit en vacances ou bien seul en chien. Bien dans ta life ou paumé dans un coin. Dans un coin. Si t'as besoin d'évasion pour faire le point. T'es pas seul dans ce cas, on est plein. Yeah, t'as des bêtes de doute, des dettes, des soucis de sous. Et t'as des envies de coups de tête à la zizou. T'inquiète mec, t'es un parmi des millions. Je répète, t'es un parmi des millions. C'est pour toi, toi, on est plein dans ce cas. Un parmi des millions. C'est pour toi, toi, toi, t'es pas seul dans ce cas. Un parmi des millions. C'est pour toi, toi, on est plein dans ce cas. Un parmi des millions. C'est pour toi, toi, tu sais que t'es pas seul dans ce cas. Un parmi des millions, des millions à être. Yeah. Un parmi des millions à être. Un parmi des millions, des millions à être. Parmi des millions, des millions, des millions à être. Tu le sais. Parmi des millions, des millions, des millions. T'es pas seul dans ce cas. Des millions, des millions, des millions. Parmi des millions, des millions, des millions. Des millions, des millions, des millions. Parmi des millions. Sphère radio. La sphère. Pas de blême, tu fais quoi le 15? Fais quoi le 15? Ne parle pas de limite, oublie le temps et les barrières physiques. Élève. Love, lévite. Utilise ton spirit même si beaucoup lévite. Ta liberté t'y crois, je ne sais pas mec, médite. Fais-le comme gimmick. Des prisons dans nos têtes, tant de choses qu'on imite. La course à la vie, je la quitte encore plus vite. C'est fini. J'ai l'infini comme limite. Et si la vie est ailleurs, alors j'irai lui rendre visite. Mon intérêt ne s'arrête pas à ce qui est visible. Ma liberté j'y crois et c'est pour elle que je milite. Ne les écoute pas, fais comme tu veux. Ils aimeraient tant pouvoir te mettre en cage. Ne les écoute pas, fais comme tu veux. Libère ton cerveau de cet esclavage. Ne les écoute pas, fais comme tu veux. C'est ton livre à toi d'écrire les pages. Alors ne les écoute pas, fais comme tu veux. Ne les écoute pas, fais comme tu veux. Fais comme tu veux, fais comme tu veux. Fais comme tu veux, fais comme tu veux. Comme tu veux, comme tu veux. Comme tu veux, comme tu veux.